comment je vous écris ces quelques mots sur une lettre pour vous dire quand je suis partie. C'était un peu trop tôt peut-être. On fait bien souvent des erreurs que l'on regrette longtemps après, comme de partir de si bonne heure pour vivre la vie que j'aimais. On ne refera pas notre histoire, je suis d'accord et j'en conviens. Mais si je vous écris ce soir, c'est pour vous dire ce qu'il advient. J'ai deux enfants qui me demandent où vivent leurs grands-parents, et une femme aux yeux amandes qui ne leur répond jamais vraiment. Les yeux éteints, à leur dire, ne pleurez pas, papy, mamie vous aime de loin. Et moi, je suis là, à me dire qu'il faut vous écrire, pour vous dire que ce petit-là ne mérite pas de fille. Ma faute, je suis partie, je vous ai quitté sur une colère, sur des calottes. Voilà maintenant, j'ai des regrets. J'étais trop jeune et bien trop fière pour pouvoir revenir sur mes pas. Mais grandir sans père et mère, ça laisse des traces qu'on n'efface pas. Si en lisant ces quelques mots, vous n'avez pas jeté le papier, j'aimerais vous dire tout haut que ma famille encore me sait. J'aimerais vous voir maintenant pour vous présenter mes gamins, car j'en ai plus pour très longtemps d'après ce que disent les médecins. Le regard vide, les yeux éteints, à leur dire, ne pleurez pas, il y a maman, c'est déjà bien. Et moi, je serai plus là, quand il faudra leur tendre la main. Papa, maman, m'abandonnez pas, ne faites pas comme un gamin.